France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Hiro Onoda ou la guerre tout seul. Pour le monde entier, la Seconde Guerre mondiale s'étend de 1939 à 1945, mais pour un homme, elle a duré jusqu'en 1974. Cet homme, c'est un sous-lieutenant de l'armée impériale japonaise, Hiro Onoda. Envoyé sur la petite île de Lubang, aux Philippines en 1944 pour organiser la guérilla, cet officier refuse d'admettre que son pays a perdu la guerre et il décide de rester sur l'île. En compagnie de 3 autres soldats, il va tout faire pour perturber le quotidien des habitants. Mais la vie dans la jungle est difficile et avec les années, le groupe se disloque. De 4 en 1945, ils ne sont plus que 2 en 1954, avant qu'Onoda se retrouve finalement seul en 1972. Imperturbable, il poursuit sa mission, ignorant toutes les alertes. Car il n'est pas un soldat oublié, non, régulièrement, ses proches se rendent sur l'île et tentent de le raisonner, mais rien n'y fait. Et ce n'est qu'après 3 décennies de conflits imaginaires que l'officier Onoda dépose enfin les armes et rentre chez lui. Mais comment a-t-il survécu? Pourquoi ne s'est-il jamais rendu? Et surtout, qui était-il, ce Hiro Onoda? Notre invité aujourd'hui, Bernard Sandron, auteur de Onoda, seul en guerre dans la jungle, livre paru aux éditions Artaud. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Guillaume Balandras, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mars 1974, nuit noire sur la jungle philippine. Dans les montagnes sauvages du centre de la petite île de Lubang, un quinquagénaire à la silhouette frêle est allongé au pied d'un arbre. Habillé d'un uniforme rapiécé, son fusil Arisaka accroché à une branche, il fixe le ciel, l'air songeur. Dans le silence de la nature, son esprit divague. Cet homme s'appelle Onoda, sous-lieutenant Hiro Onoda. 52 ans, appelé en 1942, présent à Lubang depuis décembre 1944. 30 ans qu'il arpente cette île de 125 km² comme un fantôme en cavale, dans l'attente d'un ordre de sa hiérarchie. Alors que le monde vit au rythme du premier choc pétrolier, du scandale du Watergate et des cuisines en formica, Onoda, lui, est resté bloqué en 1944, comme une horloge qui s'arrête. Jamais il n'a abandonné sa mission, et pour cause. Il n'en a pas reçu l'ordre officiel. Et sans ordre, abdiquer reviendrait à trahir l'empereur du Japon. Il nous avait pourtant dit, nous reviendrons vous chercher. Quel que soit le temps que ça prendra, nous reviendrons vous chercher. Pourtant, depuis 2 semaines, il se tourmente. Et s'il avait fait tout ça pour rien? Cette question, impensable pendant si longtemps, s'est immiscée dans son esprit tout de même depuis la rencontre avec un japonais de 24 ans, un certain Suzuki Norio. Celui-ci a passé de longues heures à tenter de le convaincre d'une chose toute simple. Depuis août 1945, la guerre est terminée, monsieur. Et ce n'est pas la première fois que quelqu'un tente de l'informer que le Japon s'est rendu. En 30 ans, ils sont même nombreux à avoir essayé. Mais Onoda n'y a jamais cru. Non. À chaque fois, il y a décelé des manœuvres tordues de l'ennemi américain. Oui, mais voilà, cette fois, le jeune Suzuki apporte des preuves. Et notamment celle-ci. Une note signée de la main de son supérieur hiérarchique, le commandant Taniguchi, qui lui ordonne de déposer les armes, ainsi qu'une lettre de l'ambassadeur du Japon aux Philippines. Il y a 28 ans que la guerre est terminée. Les combats ont cessé le 15 août 1945. Le Japon a perdu la guerre. Notre pays est maintenant une nation pacifique. Pendant presque 30 années, vous avez fait montre d'un esprit militaire sans exemple dans l'histoire du monde. Nous vous prions de bien vouloir sortir de la jungle, la tête haute. Depuis qu'il a lu cette lettre, les questions se bousculent dans la tête du sous-lieutenant. Ce Suzuki est-il un agent américain sous couverture? Et puis cette lettre, s'agit-il d'un ordre ou d'un piège? Et si elle est authentique, pourquoi Taniguchi ne s'est pas manifesté plus tôt? Quoi qu'il en soit, ce simple courrier, aussi invraisemblable qu'il soit, n'est pas suffisant. Non, Onoda ne se soumettra à l'ordre que lorsqu'il aura entendu de la bouche de son commandant l'ordre en question. Non négociable. Un rendez-vous est donc organisé. Il doit avoir lieu le lendemain 9 mars, à quelques kilomètres de là, dans une petite clairière. Dans le cerveau enfiévré de l'officier, l'espoir et la confiance alternent avec la méfiance. S'agit-il d'un stratagème destiné à le déployer sur une autre île du Pacifique? Ou bien va-t-il vraiment devoir rentrer au Japon? Au même moment, à quelques kilomètres de là, au lieu de rendez-vous, Suzuki Norio et le commandant Taniguchi finissent de monter de petites tentes jaunes qu'ils décorent d'un grand drapeau japonais. Mais les deux hommes sont inquiets. Onoda sortira-t-il de son terrier? Alors qu'il s'endort, le vieux soldat voit défiler devant lui trois décennies d'un destin exceptionnel, débuté à 3000 km de là, au Japon, au beau milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Nous interrompons ce programme pour vous annoncer que les Japonais ont attaqué notre base de Pearl Harbor. Le président Roosevelt vient tout juste de l'annoncer. Édition spéciale. Dans la matinée du 8 décembre 1941, la marine impériale est entrée en guerre contre les forces américaines dans l'ouest du Pacifique. Prêts à mourir pour notre patrie, nos vaillants soldats ont réussi un audacieux raid aérien. Mai 1942, Japon. 6 mois à peine après l'entrée en guerre surprise de l'Empire avec l'attaque de Pearl Harbor, l'effort militaire bat son plein sur la péninsule. Le pays est alors engagé sur deux fronts. Dans toute la zone pacifique, contre l'armée américaine, mais aussi dans la partie orientale de la Chine que l'armée impériale a envahie 5 ans plus tôt, en 1937. À Wakayama, au sud d'Osaka, les appelés au service militaire intègrent le 218e régiment d'infanterie. Parmi eux, se trouve un jeune employé de 20 ans, Hiro Onoda. Ses premières semaines en tant que soldat sont consacrées au travail physique, mais aussi à l'endoctrinement. Chaque jour, lui et les autres courent en récitant les grands principes de l'armée, placés sous le signe d'un nationalisme exacerbé et d'une soumission totale à l'Empire. Les subordonnés doivent considérer les ordres de leurs supérieurs comme directement émis par l'empereur. Toute désobéissance prend le caractère d'un sacrilège. Le devoir est plus lourd qu'une montagne. La mort plus légère qu'une plume. La peur est le plus misérable de tous les vices. Une fois l'instruction terminée, la recrue Onoda est envoyée au front en Chine. Zélé et travailleur, il se fait vite remarquer par la hiérarchie. En 1944, il est recruté au sein d'une mystérieuse unité spécialisée dans le renseignement, la 33e compagnie. Basée dans la ville de Futamata, elle forme des soldats de l'ombre pour les envoyer ensuite dans toutes les îles du Pacifique avec un objectif clair, ralentir l'armée américaine et l'empêcher coûte que coûte de gagner du terrain. Car du côté de l'oncle Sam, la mort des 2400 soldats de Pearl Harbor ne restera pas impunie. Qu'on se le dise, voilà des mois que les porte-avions et autres torpilleurs arpentent les mers d'Asie et que les batailles aériennes se multiplient. Bientôt, les Japs, comme on les appelle, deviennent le nouvel épouvantail du peuple américain. Dans tout le pays, une intense propagande xénophobe est relayée, comme dans ce film tourné auprès des pilotes de bombardiers et narré par un acteur qui deviendra un jour président, Ronald Reagan. À plus de 15 000 km de chez eux, à l'autre bout du monde, ils viennent rendre visite à ceux qui ont détruit Pearl Harbor 3 ans plus tôt. Pearl Harbor, ils y pensent tous les jours. Les 2000 Américains morts, pris dans les flammes. Les Japonais. Des gens qu'on imaginait petits et polis. Intéressés seulement par les compositions florales, le jardinage et la culture des vers à soie. Mais ce ne sont pas des vers à soie que ces hommes recherchent. C'est dans ce contexte belliqueux que l'officier Onoda est formé de mars à décembre 1944. Ensuite, il est muté à Manille, aux Philippines, et là, il fait la connaissance du responsable régional des services de renseignement, le commandant Taniguchi. Bientôt, son lieu d'affectation lui est révélé, ce sera l'île de Lubang. Cet îlot de 25 km de long est alors sous le contrôle de l'unité de lieutenant Awayaka. Pour Onoda, l'ordre de mission est simple, prendre contact avec ce Ayakawa, plus précisément, et entraîner son groupe à la guérilla pour le préparer en cas d'invasion américaine. Avant son départ, le commandant Taniguchi lui donne ses dernières instructions. Pour la stratégie générale de l'état-major, cette île est très importante. Même si la résistance y est difficile, vous ne devez pas abandonner la lutte. Soyez prudent, patient. C'est une mission difficile et il vous faudra du courage. Le 30 décembre, Hiro Onoda fait ses adieux à Taniguchi et prend le bateau pour Lubang. Il ne le sait pas encore, mais son destin est scellé pour 30 ans. Les deux hommes ne se reverront en effet qu'en mars 1974. Petite île tropicale perdue dans l'archipel des Philippines, Lubang est alors peuplée principalement de pêcheurs et de paysans qui cultivent du riz, de l'ail ou des cacahuètes. Sous une pluie battante, le jeune officier observe la côte s'approcher avec appréhension. Va-t-il être à la hauteur de sa mission ? Une fois débarqué, Onoda rencontre enfin le lieutenant Ayakawa et une cinquantaine d'hommes de son unité. Mais là, stupeur ! La troupe ne respire pas vraiment la santé. 25 souffrent de maladies tropicales, alors que les autres n'ont qu'une hâte, rentrer chez eux. Et le lieutenant Onoda n'est pas en reste. Il n'arrête pas de se plaindre de son foie et de réclamer de l'huile de coco. Quand il découvre cette ambiance morose, il est indigné. Cette garnison est bien la plus minable de toute l'armée impériale. En réalité, elle est loin d'être la seule. Il faut dire qu'en cette fin 44, rien ne va plus pour le Japon et les forces de l'Axe. En Europe, le débarquement des marines a fait reculer la Wehrmacht et permis la libération de Paris. Dans le Pacifique, la stratégie de harcèlement de l'armée américaine contre l'ennemi porte ses fruits. Tous les jours, les B-29 tapissent de bombes les îles contrôlées par le Japon, tandis que le P-51 s'attaque aux sites sensibles ou au Kawasaki Ki-45 de l'armée nippone. With the big bombers, homeward bound. À côté de nos gros bombardiers, nos P-51 enchaînent les frappes chirurgicales et se concentrent sur les cibles le long de la côte. En vol piqué, ils atteignent leur vitesse maximale et perturbent les lignes ennemies, détruisent les lignes de communication, les antennes radio et les lignes électriques. 4 jours après son arrivée, le 3 janvier 1945, le sous-lieutenant Onoda fait face à sa première alerte. Au large, il observe avec ses jumelles la flotte ennemie se diriger vers Manille. Le 28 février, ses craintes se confirment, les Marines commencent à débarquer sur l'île. Quelques jours plus tard, elle est bombardée par les Américains. Peu après, des centaines de soldats alliés prennent d'assaut les positions stratégiques. Les unités japonaises présentes sont décimées. Pour Ayakawa et ses hommes, l'affaire est pliée. Le Japon est en train de perdre la guerre. Et ça, Onoda ne veut pas l'entendre. Pour lui, l'Empire est immortel et la défaite est impossible. Malheureusement, les mauvaises nouvelles venues du front s'accumulent. Sur la petite île d'Iwo Jima, les forces américaines écrasent les soldats impériaux. 20 000 morts. Quelques jours plus tard, le 9 mars 1945, c'est au tour de la ville de Tokyo de subir une attaque aérienne d'une ampleur inédite. En tout, 95 000 personnes sont tuées, tandis que la ville est incendiée sur plus de 40 km², soit le quart de sa superficie. Dans le sud, les bombardements sur Okinawa entre le 1er et le 19 avril provoquent la mort de 110 000 personnes. À l'autre bout du monde, en Europe, la situation est désespérée pour l'Allemagne. La Wehrmacht est en pleine déroute. Face à la défaite annoncée, Hitler se suicide dans son bunker berlinois et le 8 mai, l'Allemagne capitule. Pour les Américains, le Japon est donc le dernier ennemi à abattre. Et bientôt, l'impensable se produit. Le 6 août 1945, à 8h16min02, une bombe d'un nouveau genre explose à 580 mètres au-dessus de la ville d'Hiroshima. Baptisée Little Boy, elle libère un souffle tellement violent que des centaines d'édifices et des milliers de personnes sont vaporisées. Oui, vaporisées en un instant. Le soir même, le président américain Harry Truman s'adresse à ses concitoyens. Il y a quelques heures, un avion américain a lancé une bombe sur Hiroshima. Cette bombe a une puissance supérieure à 20 000 tonnes de TNT. Les Japonais ont déclenché la guerre en attaquant Pearl Harbor par les airs. Ils ont reçu la monnaie de leur pièce. Et ce n'est pas fini. Oh non, ce n'est pas fini. Trois jours plus tard, le 9 août, une deuxième bombe atomique est larguée, cette fois sur la ville de Nagasaki. Le monde vient de changer d'air. Le monde entier, peut-être pas. Car au milieu de la jungle de Lubang, il y a un homme qu'aucune bombe ne fera abdiquer, le sous-lieutenant Hiro Onoda. L'étonnante histoire du soldat Onoda. France Inter. Je ne suis pas un soldat de l'armée régulière. J'ai suivi une formation secrète. Dans une école secrète. Et on m'a envoyé ici en mission. Affaires sensibles. août 1945, Japon. Neuf jours après la pulvérisation de la ville de Hiroshima et six après celle de Nagasaki, le pays est dans un état de sidération totale. À 11h59, une voix nasillarde résonne à la radio, la voix d'un homme qui ne s'était jusqu'alors jamais adressé à la nation, l'empereur Hirohito himself. D'un ton peu assuré, il annonce à ses sujets la capitulation du Japon. À nos bons et loyaux sujets, après avoir profondément médité sur les tendances générales du monde et sur les conditions dans lesquelles notre empire se trouve aujourd'hui placé, nous avons décidé d'apporter une solution à la situation actuelle en recourant à une mesure extraordinaire. Nous avons ordonné à notre gouvernement d'informer ceux des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Chine et de l'Union soviétique que notre empire accepte les clauses de leur commune déclaration. Pourtant voué à ne jamais disparaître, l'empire du Japon s'effondre. Et pour la première fois depuis 26 siècles, le pays s'incline. D'abord incrédule, puis épouvanté, les Japonais s'enferment chez eux. Au déshonneur, ils sont nombreux à préférer le suicide. Cinq jours plus tard, le 20 août, l'ordre de reddition officiel du général Yamashita est envoyé à toutes les troupes. À 3000 km au sud, du côté de Lubang, un message est adressé aux soldats. Mais Onoda n'y croit guère, parce que pour lui, l'Empire est invincible. Et cet ordre est forcément un faux, manigancé par les Américains. Et puis, s'il fallait vraiment déposer les armes, le commandant Taniguchi serait venu en personne donner l'ordre. D'autant qu'Onoda et ses hommes doivent faire face à un nouveau problème, la révolte des habitants. Car même si les bombes américaines ont cessé de pleuvoir, la garnison japonaise est désormais harcelée par les paysans locaux qui ont récupéré les armes des Marines. Dans cette jungle épaisse qu'ils connaissent par cœur, les Philippins traquent l'envahisseur au cri de « Mort Jap ». Attention ! À couvert ! On est à revers ! Allez ! Quelqu'un a été touché ! En décembre 1945, 4 mois après la reddition du Japon, la plupart des soldats impériaux ont été tués ou se sont rendus. Et la situation de l'Empire continue d'empirer. Au début de l'année 46, après une nouvelle altercation, ils ne sont plus que 4. Le sous-lieutenant Onoda, le caporal Shimada et les soldats de première classe Kozuka et Akatsu. Éreintés, dénutris, les 4 Japonais décident de se replier dans les montagnes du sud de l'île où ils installent un camp sommaire. La saison des pluies bat son plein, comprimés les uns contre les autres, ils grelottent sous leurs abris de fortune. Et les jours passent, et un semblant de quotidien prend forme. Le matin, ils se lavent les dents avec des fibres de noix de coco. Puis ils partent chercher de la nourriture, soit en chassant le buffle, soit à coups de razzia chez l'habitant. À la nuit tombée, ils se relaient pour monter la garde. Et à force d'arpenter les lieux, ils acquièrent une connaissance rigoureuse de l'île. Elle devient, bon gré mal gré, leur maison. Dans les mois qui suivent, le gouvernement japonais organise des recherches, sans grande réussite. D'une part, le terrain est escarpé, la jungle est dense, mais surtout, Onoda n'y croit pas. Et à chaque fois qu'il entend les officiers s'époumoner dans un mégaphone, il est persuadé qu'il s'agit en réalité d'Américains d'origine japonaise. Il tend un piège. Sous-lieutenant Onoda, montrez-nous que vous êtes en bonne santé. Sortez ! Votre vie est protégée et vous ne serez pas tué. Sortez tout de suite ! La guerre est terminée ! Plus le temps s'écoule, plus les combats se font de plus en plus rares, les appels au mégaphone aussi. Mais Onoda n'oublie jamais son objectif, sa mission. Elle est sa seule boussole. Parfois, il est pris de bouffées délirantes, comme le jour où, après avoir dévoré un gros lézardeur, il se met à trembler, tout en déclarant être capable de vaincre à lui seul l'armée américaine. Véritable chef de tribu, il organise des expéditions destinées à perturber le quotidien des habitants. Régulièrement, lui et ses comparses pillent les fermes des paysans, brûlent leurs chambris et parfois même leur tirent dessus. Aujourd'hui encore, le nombre de morts reste difficile à évaluer. Combien ? 10, 30 ? Même si des doutes subsistent, une chose est sûre, en revanche, les 4 Japonais entrent dans le folklore local. Et bientôt, on leur trouve même un surnom, les brigands de la montagne. Néanmoins, au sein du groupe, le moral de certains se fissure. En particulier, celui des soldats de première classe, Akatsu. Dès 1947, il tente à plusieurs reprises de prendre la fuite pour se rendre à l'armée philippine, mais à chaque fois, il est retrouvé par ses camarades. Jusqu'à cette journée d'août 1950, où cette fois, il parvient pour de bon à échapper à la vigilance du sous-lieutenant Onoda. Et désormais, ils ne sont plus que 3. Mais pas pour longtemps. 4 ans plus tard, en 1954, au cours d'un échange de tirs avec des militaires philippins, le caporal Shimada est tué d'une balle dans la tête. Il n'en reste donc plus que 2, Onoda le stratège et Kozuka le débrouillard. En 1955, les deux hommes fêtent leur 10e anniversaire dans la jungle de Lubang. Avec le temps, ils ont appris tous les pièges. Désormais, Onoda sait coudre, fabriquer des ustensiles de cuisine, pister les buffles. Et infatigable, il sait dans quel secteur il peut cambrioler, à quel moment de la journée. Il connaît aussi les habitudes des paysans. Bref, l'île n'a plus aucun secret pour lui. Fin décembre, pendant la saison du riz, au cours de l'une de leurs sessions de chapardage, les deux hommes mettent la main sur une mystérieuse boîte noire en plastique, flanquée d'un nom japonais, Toshiba. En tournant les boutons, ils se rendent compte qu'il s'agit d'un poste de radio. Et pour la première fois depuis 10 ans, ils entendent une voix qui n'est pas la leur. C'est ainsi qu'aujourd'hui, en gare de Tokyo, on inaugure en grande pompe le Tsubame, train express qui effectuera la liaison Tokyo-Osaka. Perdu sur le Ril, Onoda et Kozuka renouent avec la civilisation. Ils apprennent, par exemple, la construction d'un nouveau train à grande vitesse qui promet de relier Tokyo à Osaka en 2h30, ainsi que l'organisation prochaine des Jeux Olympiques dans leur pays natal. Naturellement, Onoda relie toutes ces bonnes nouvelles au triomphe militaire supposé du Japon. Pour lui, tout ceci est la preuve que son pays a conquis le Pacifique et unifié le monde asiatique. Et s'il est encore en poste, c'est simplement parce que Lubang est l'un des derniers bastions américains. Cela veut donc dire que sa mission tient toujours. En mai 59, le gouvernement japonais organise de nouvelles recherches pour retrouver Onoda et son compagnon. Des tracts sont lancés par avion dans la jungle, ainsi que des photos de leur famille. Mais il suffit que l'un des deux hommes décède d'une faute de syntaxe ou une anomalie pour tirer des conclusions délirantes. Il s'agirait pour eux d'autant d'indices placés par leurs proches pour les prévenir que tout ceci est un piège tendu par les Yankees. Et le comble, c'est que plus le Japon insiste pour retrouver Onoda, plus l'intéressé se persuade que Lubang revêt une importance stratégique cruciale pour l'Empire. D'ailleurs, en 1959, un palier est franchi lorsqu'un matin, une voix amplifiée résonne dans la vallée. Hiro, sors de la jungle. C'est ton frère Toshiro qui te parle. Le frère de Kozuka, Fukuji-san, est également ici. Nous repartons demain, alors je t'en prie, montre-toi. Quand ils entendent ce message, les deux hommes s'approchent. Au loin, Onoda remarque une petite tente surmontée d'un drapeau japonais. À l'intérieur, il reconnaît son frère, qui hurle dans un micro. Mais tout de suite, et encore une fois, il trouve une explication. Le frère en question a été fait prisonnier par les Américains et il part sous la contrainte. Il est donc impératif de rester caché. Quelques jours plus tard, les deux soldats reçoivent une pile de quotidiens japonais. Et là encore, ils tordent la réalité pour la conformer à leurs croyances. Si le Japon avait été vaincu, il n'y aurait plus de journaux. C'est donc la preuve que la guerre continue. D'ailleurs, au détour d'un article, Onoda apprend que son supérieur, le commandant Taniguchi, est devenu libraire à Okinawa. Une parfaite couverture pour un réseau d'espionnage, pense-t-il. Entre deux tentatives de gouvernement, les deux hommes poursuivent leur entreprise d'intimidation des locaux. Et ça marche. Au tournant des années 60, plus personne sur l'île ne s'aventurait autour de leur camp. Avec le temps, leur lien se resserre également. Unis comme deux frères, seuls face à l'univers, soudés dans l'adversité, ils mènent une vie hors du temps, sur une île qui ressemble de plus en plus à un purgatoire. Et maintenant, un mot de sport. Les amateurs de baseball vivent actuellement des heures mémorables. L'équipe des New York Yankees est venue au Japon pour disputer un match amical. Au pied de leur mangue, ils écoutent les concipi à la radio, dissertent sur les actualités venues de l'archipel ou se racontent des histoires de la vie d'avant. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure et les deux hommes continuent de troubler le quotidien des habitants. Mais en octobre 72, alors qu'ils s'apprêtent à mettre le feu à une récolte de riz, Onoda et Kozuka sont pris dans une embuscade. Autour d'eux, les balles sifflent. Quand ils se retournent, Onoda découvre son ami blessé, touché à la poitrine, la veste imprégnée de sang. Kozuka cherche désespérément à se redresser, mais bientôt il s'effondre. Et il meurt à l'âge de 50 ans, victime d'un ennemi invisible. Accablé, enragé, l'officier Onoda se replie dans la montagne, seul. Quelques jours plus tard, il retourne sur les lieux du drame et découvre que le corps de son compagnon d'infortune a été retrouvé. Alors, droit comme un piquet, la mine grave, il fait une promesse solennelle. La vie a été dure pour nous, Kozuka. Mais tu as été un bon soldat. Rentre au Japon. Et repose-toi. Ne t'inquiète pas. Je te vengerai. Je ne faillirai jamais. J'en fais le serment. Au Au Japon, la mort du soldat Kozuka fait grand bruit dans toute la presse. Il faut dire que depuis le début des recherches, en 59, on pensait que tous les soldats stationnés à Lobang étaient morts. L'opinion découvre alors la trajectoire improbable de ce militaire, animé d'une foi inébranlable en l'Empire. Et surtout, on se prend à rêver. Et si l'autre, Onoda, était vivant? Du côté de Tokyo, un homme en est persuadé. Il s'appelle Suzuki Noryo. Mi-aventurier, mi-journaliste, ce jeune homme de 24 ans se passionne pour cette histoire. Et le 18 février 1974, il embarque pour un périple qui l'emmène sur l'île de Lubang. Deux jours plus tard, donc le 20, au beau milieu de la jungle, il rencontre enfin le mystérieux sous-lieutenant. Au départ, Onoda est réticent. Mais entre les deux hommes, le courant passe et une longue discussion commence. Pour le convaincre que la guerre est finie, Suzuki montre aux soldats de nombreuses coupures de presse, ainsi que des documents officiels, et peu à peu, le monde d'Onoda s'effrite. Pourtant, le sous-lieutenant garde la position qu'il tient depuis 1945. Sans contre-ordre du commandant Taniguchi, il continuera le combat. Suzuki fait alors une proposition audacieuse. Aller chercher le commandant, justement, et revenir sur l'île avec lui. Deux semaines plus tard, tout s'accélère. Un matin, Onoda découvre plusieurs lettres qui lui sont adressées. Comme nous l'avons raconté au début de ce récit, il s'agit donc de l'ordre formel de Taniguchi, ainsi qu'un courrier de l'ambassadeur, mais aussi une lettre de Suzuki, dans laquelle il propose un rendez-vous. Au sous-lieutenant Onoda, je suis Suzuki Noryo. C'est moi qui ai passé la nuit du 20 février 1974 à bavarder avec vous. Je me suis rendu immédiatement à Manille, où j'ai pu entrer en contact avec le commandant Taniguchi par l'intermédiaire de l'ambassade du Japon. Aujourd'hui, je suis de retour à Lubang avec lui. Il est en possession de l'ordre du général Yamashita, ainsi que d'un ordre personnel vous concernant, que je joins à cette lettre. Nous avons dressé un camp à l'endroit où nous nous étions rencontrés l'autre jour. Le commandant Taniguchi et moi vous y attendons. Pendant plusieurs jours, Suzuki et Taniguchi attendent patiemment dans leur camp de fortune. Et puis, dans la soirée du 9 mars, une ombre sort d'un bosquet. Hiro Onoda, raide comme une lance, en équipement complet, le soldat de 52 ans avance en direction des deux hommes. Tout aussi solennellement, Taniguchi lui ordonne de rendre les armes. Onoda accepte. Il lui remet son uniforme, son sabre, son fusil Arisaka, toujours fonctionnel, ainsi que 500 cartouches et plusieurs grenades. Chose exceptionnelle, malgré le massacre qu'il a commis au sein de la population locale, Onoda bénéficie d'une grâce du président philippin Ferdinand Marcos. La guerre, sa guerre, est enfin terminée. Placé dans un avion, il quitte les Philippines. Arrivé sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo, il est accueilli en héros par ses parents, son frère, ainsi que par toute la presse nippone. Face à une forêt de micros, il peut enfin répondre à la question que tout le monde se pose. Pourquoi ? En tant que soldat, j'ai reçu l'ordre d'aller sur cette île. Et je ne pouvais pas abandonner. Les moments les plus difficiles ont été ceux où j'ai perdu mes camarades. L'un d'entre eux s'est fait tuer. Ça fait des années que je n'ai pas été aussi heureux. Peu après, l'officier retrouve la vie civile dans sa ville natale de Yakayama. Et dans tout le pays, il acquiert un statut de légende. Mais cette célébrité soudaine devient vite un poids dans son existence. Alors il prend le large, quitte ce Japon qu'il ne reconnaît plus, et s'installe au Brésil, où il commence une activité d'éleveur de bétail. Dans les années 80, il se rapproche du mouvement nationaliste Nippon Kaigi, qui milite pour la restauration de l'Empire. Et il meurt le 16 janvier 2014 à Tokyo, à l'âge de 91 ans. Mélange de guerre à lui tout seul, de jeux de survie et de plongée dans la folie, la trajectoire d'Onoda est entrée dans la culture populaire et a fait de lui un héros typiquement japonais. Mais à 3000 km de Tokyo, du côté de Lubang, le bilan est bien plus nuancé. Parce qu'ici, on n'oublie pas que lui et ses collègues ont perturbé la vie et semé la mort au nom d'une loyauté à un idéal difficile, peut-être même impossible à comprendre. Aujourd'hui, l'étrange histoire du soldat Onoda, avec notre invité Bernard Sandron, auteur avec Gérard Chenu du livre Onoda, seul en guerre dans la jungle, 1944-1974, livre paru aux éditions Artaud en 2020, un ouvrage qui a notamment servi au réalisateur Arthur Harari pour son film Onoda, 10 000 jours dans la jungle. Bonjour. Bonjour, bonsoir plutôt. Mais oui, vous intervenez de Tokyo. Alors, je crois qu'il est 23h, c'est ça? C'est pas grave, oui, c'est bon, bah, très bien. À peu près. Bah, merci quand même d'avoir veillé pour bien vouloir nous répondre. Alors, vous avez rencontré Onoda en 1974, vous me confirmez? Absolument, bien. C'était dans un restaurant de la Namikidori, près de Ginza. C'était, le meeting avait été organisé par sa maison d'édition, et moi j'étais venu avec un photographe et un traducteur, parce que mon japonais à l'époque n'était pas encore aussi bon que maintenant. Alors, quelle impression vous a-t-il fait déjà? Eh bien, j'ai vu en face de moi, très loin de l'image qu'on a du soldat Hiro Onoda, vraiment quelqu'un de très intérieur, ramassé sur lui-même, mais souriant, et en même temps très timide, dans la mesure où j'étais probablement un des tout premiers journalistes qu'il rencontrait, et qui faisait quand même très attention à ce qu'il disait, etc. Mais il m'a fait l'impression de quelqu'un de très intelligent. Si vous regardez les yeux des Japonais en disent beaucoup, on s'est rendu compte qu'on avait en face de nous quelqu'un de très supérieur. Quand vous lui avez posé la question, j'imagine que vous lui avez posé de savoir pourquoi il est resté, pourquoi il a cru que la guerre n'était pas finie, pourquoi il n'a pas voulu croire également que la guerre était finie, comment s'est-il justifié? C'est absolument parce que il attendait l'ordre du major Taniguchi. Quand il était à l'école de Nakano, l'école d'espionnage, on lui avait dit surtout, on vient vous chercher, ne vous suicidez pas, ne partez pas, attendez, on viendra vous prendre. Et ça, pour lui, c'était un mot d'ordre de rester sur place. Et c'est ce qu'il a fait. Mais tous les Japonais n'étaient pas comme ça. C'est un cas spécial quand même, non? C'est-à-dire qu'il a poussé la logique de l'Empire, cette guerre sacrificielle. On le voit bien d'ailleurs du côté américain et du côté japonais. La façon dont on aborde la guerre n'est pas la même. Hein. Il y a un côté. Pas du tout. Voilà, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Lui, avant tout, c'était un ordre de l'empereur et pour lequel qu'il révérait énormément. Et donc. Toute désobéissance à un ordre donné par l'empereur n'était pas acceptable. Donc, il restait, mais il faut bien dire que c'était aussi dans le groupe des Japonais avec lui, mais d'une manière générale, quelqu'un qui était un peu un cran au-dessus. C'est-à-dire un cran au-dessus au niveau de l'intelligence de... Oui, absolument. Absolument. On le voit d'ailleurs à l'école de Nakano. Il est au milieu des jeunes conscrits. Il est au-dessus. Alors, vous n'êtes pas spécialiste de la question militaire, moi non plus, donc je renvoie les auditeurs pour ce qui concerne la façon de faire la guerre des Américains et des Japonais pendant la guerre du Pacifique. Je les renvoie à deux formidables films de Clint Eastwood sur l'île d'Iwo Jima, où on voit le premier film côté américain et le second film côté japonais. Alors, c'est très instructif. Oui, je les ai vus, c'est tout à fait ça, malheureusement. C'est très beau. Onoda est mort en 2014. Comment la presse japonaise en a-t-elle parlé? Autrement dit, que représente-t-il aujourd'hui dans le Japon du XXIe siècle? Alors, comment la presse en a parlé? Pas beaucoup. Enfin, les gens étaient informés, mais simplement, c'est resté plutôt une affaire des groupes de droite. Et il y a quand même eu des grandes cérémonies au Yasukuni Jinja, c'est-à-dire au temple Yasukuni, pour le célébrer, mais ça s'est arrêté là, ça n'a pas été très loin. Par contre, comment est-ce qu'il était représenté? C'était pour... Il y avait deux types de personnes, ou bien les Japonais âgés, ou les Japonais jeunes. Et moi, je veux dire, pendant toute mon enquête et mes interviews, je demandais toujours aux chauffeurs de taxi, qui sont plutôt âgés, leur opinion. Et à chaque fois, ils m'ont chanté les louanges de Onoda. C'était pour eux vraiment quelqu'un d'extraordinaire, très japonais, et qu'ils avaient une grande admiration. Les jeunes, c'était beaucoup plus mitigé. Quand vous dites qu'il était proche des milieux de droite, ça veut dire qu'il faisait partie des nostalgiques de l'Empire, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, il n'en faisait pas partie d'une manière formelle, mais il était quand même cité beaucoup en exemple. Il était invité dans des grandes réceptions, toujours quand il y avait des soirées organisées par la droite. Mais comme il n'habitait plus au Japon, qu'il était au Brésil, ben il a gardé une certaine distance avec ça. Mais ceci dit, il était quand même un flambeau extraordinaire pour tous ces groupes d'extrême droite. Alors, je crois qu'il a créé une fondation pour aider les jeunes à apprendre à vivre en pleine nature. Il y a un côté survivaliste chez cet homme. Absolument. Onoda a été pris en main par Monsieur Taniguchi, qui est quelqu'un des relations publiques et qui s'occupait de son image pratiquement tout le temps depuis le moment où il a quitté depuis 1974. Mais avec lui, il a monté une fondation près de Sendai, où il apprenait, parce qu'il venait de temps en temps depuis le Brésil, et il apprenait aux jeunes comment vivre dans la nature, comprendre la nature, etc. Moi, je n'y ai pas encore pu y aller, mais je vais certainement y aller à un moment ou un autre pour bien me rendre compte, mais c'était quelque chose qui a eu beaucoup de succès dans la région de Sendai. Ben, je trouve qu'il y a, en toile de fond, dans cette histoire et dans l'histoire du Japon, le caractère japonais qui ressort, cette société qui est à la fois matérialiste et spirituelle. Il y a les deux. Absolument. Absolument. Et le côté spirituel existe beaucoup, mais le côté matérialiste, les Japonais sont matérialistes et pragmatiques. Donc c'est quelque chose qu'on se rend compte quand on vit ici, qu'il y a vraiment une sorte de dichotomie entre les deux. Et que le côté pragmatique est quand même très, très important. Oui, alors que pendant la guerre, le côté spirituel était important, d'où les kamikazes japonais, après tout, mourir en héros, aller au paradis, c'était formidable. Absolument, et boire un petit verre de saké avant. Avant, oui, bien sûr. Et se mettre un bandeau blanc, et il y a eu. Mais vous savez, ils n'y allaient pas tous forcés. Si vous avez souvenez des livres écrits par les jeunes kamikazes qui expliquaient qu'ils n'avaient pas du tout envie d'aller se cracher sur les porte-avions américains, etc., c'est très très émouvant de lire ces lettres. Mais ceci dit, pour la plupart de ces kamikazes étaient quand même très fiers, très heureux de servir l'empereur de cette façon-là. Oui, c'est aussi le résultat d'un bourrage de crâne, essentiellement. Aussi, on voit dans certains films sur les kamikazes comment les soldats, les aviateurs étaient pris en main par leurs supérieurs, etc., et qu'ils faisaient miroiter une sorte de vie céleste après leur mort. Mais c'est quand même quelque chose qui est très bien organisé, était très bien organisé et a fonctionné à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Bernard Sandron, très vite les quatre, puis après juste Onoda sont recherchés par le gouvernement japonais. Quel est l'enjeu pour les autorités japonaises de récupérer ce monsieur? Parce que c'est ça, il y a un symbole derrière cela. Il y a un symbole, et effectivement, ils ont vraiment cherché de toutes les manières de le faire revenir. Il y a eu les premières recherches en 1955, en 59, c'était dans les deux périodes où on a beaucoup recherché, mais finalement ça s'est dénoué en 74. Donc c'était très important pour le gouvernement japonais de le faire revenir, mais que ça ne fasse pas trop de bruit non plus à cause du gouvernement de l'époque. Alors quand on raconte son histoire, on est tenté de se dire qu'à un moment, Onoda devient un peu cinglé, quoi, un peu fou, mais on se trompe peut-être. Non, complètement, on se trompe. Mmh. On se trompe, c'était quelqu'un de très intelligent, de très... Dans son acte, il ne voulait pas en sortir, mais il n'est pas fou du tout. La meilleure preuve, c'est qu'il était quand même informé. Les groupes qui sont venus pour le rechercher lui ont laissé des journaux, des tracts, des livres. Il avait volé une petite radio Toshiba à des Philippins, et ils entendaient de la musique, ils entendaient des... Alors, bien sûr, Onoda, lui, déformait les propos par les commentateurs, disant que c'était de l'intox américaine, etc. Mais ceci dit, ils avaient tous les jours de la musique et aussi des informations en japonais, directement, depuis des stations en Chine ou dans le sud. Et pourquoi allez-y, excusez-moi, finissez. Non, c'était vraiment la seule... ce n'est pas fou, du tout. Mmh. Absolument, il avait gardé sa tête tout à la fin. Et moi, j'ai vraiment eu cette impression quand je l'ai rencontré, donc face à face. Je n'ai pas du tout l'impression d'être quelqu'un de fou, mais quelqu'un de très déterminé, très clair dans ce qu'il voulait faire. Et le commandant Taniguchi devait venir et lui rendre et lui donner un ordre écrit d'arrêter les combats. Mais pourquoi ce comportement délinquant, finalement, sur l'île ? Aller brûler, des champs, investir des maisons, enfin bon. Ben, si vous voulez, d'abord, l'île, cette île, c'était un terrain de guerre. Donc, ils voulaient au moins se mettre la population, au moins dans la main. C'est-à-dire que dans le sud de l'île, il y avait des montagnes, et là, ils se cachaient là. Dans le nord, c'était beaucoup plus difficile, parce que c'est surtout des champs très plats. Et donc là, on pouvait, ça causait la mort de Shimada, par exemple. On pouvait leur donner des pièges, les attraper, et c'est ce qui s'est passé dans pas mal de choses. Donc c'était vraiment une île qui était un bastion, mais qui était vraiment au démarrage, un pion très important dans la stratégie japonaise pour résister aux Américains. Parlons un peu de Kozuka. Sans lui, Onoda aurait-il continué aussi longtemps ? On pense que oui. Il vous en a parlé d'ailleurs de son acolyte ? Non, pas beaucoup. D'accord. On a pu parler un peu d'une manière générale, etc. Mais non, j'ai pas posé de questions sur Kozuka. Mais on sentait qu'ils étaient très proches. Parce que j'ai lu beaucoup d'articles en japonais sur leurs relations, etc. On sentait, si vous voulez, il y avait deux groupes. Il y avait Onoda, il y avait Akatsu et Shimada, et Kozuka et Onoda. Akatsu et Shimada étaient des gens de la province, de la campagne, étaient beaucoup plus loin de la guerre, mais enfin, qui savaient quand même se débrouiller. Par contre, Kozuka et Onoda étaient militaires de carrière, connaissaient leur rôle, et je pense que la mort de Kozuka l'a laissé seul pendant 3 ans, mais ceci dit, ça n'aurait pas changé sa détermination, à mon avis. Alors qui est-il, ce Suzuki Norio ? Parce que lui est efficace, hein. C'était quoi ses motivations ? Alors moi, je l'ai interviewé à Tokyo. Suzuki Norio, c'est un jeune étudiant qui ne voulait pas faire d'études, qui voulait plutôt être journaliste et faire du reportage, qui avait visité, pour un japonais, 50 pays, et ayant entendu parler de l'aventure d'Onoda, il a pensé que ça pourrait faire quelque chose de très bien sur le plan des relations publiques, faire de l'argent également, et il a mis tout en œuvre pour aller le retrouver. C'est ce qu'il a fait, et après ça, il était retrouvé, le commandant Taniguchi, à Okinawa, pour lui demander de venir porter le message à Onoda. Bien, Vincent Dron, j'aurais pu poser la question à Gérard Chenu, co-auteur. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Qu'est-ce qui vous fascine dans cette histoire ? Ben, si vous voulez, bon, alors, malheureusement, Gérard Chenu, on a beaucoup travaillé ensemble, mais je crois qu'il est mort il y a quelques années. Et c'est un ancien militaire. Mmh. Donc, toute la partie purement militaire, les informations techniques, ça, c'est plutôt lui qui les avait trouvées et a fait un travail extraordinaire. Moi, de mon côté, j'avais à l'époque, donc c'était en 1974, j'avais déjà 6 mois au Japon, 5 mois à l'Expo d'Osaka, et 2 ans en tant que coopérant à l'ambassade de France, ce qui m'a permis de rencontrer déjà un peu tout le monde journalistique japonais. Donc j'étais à Paris, je travaillais à la BNP à l'époque, et ça m'a donné, je suivais bien sûr tout ce qui se passait au Japon, dans tous les sens, et je rencontrais beaucoup de Japonais à Paris, et dès que cette affaire est partie et est apparue dans le monde, dans tous les journaux et télévisions françaises, je m'y suis intéressé, et après j'ai trouvé une connexion avec Artaud, qui m'a proposé tout simplement de payer le voyage et les hôtels, et si je voulais leur faire un livre là-dessus. En tout cas, la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est que quand on parle de cette histoire, on a toujours un sourire en coin. Bah, il a continué la guerre, il savait même pas que c'était fini. Et puis quand on se penche sur l'histoire, notamment dans votre livre, on s'aperçoit que ça n'a rien de comique, que c'est une affaire tout simplement humaine. Hein ? On est d'accord là-dessus ? Absolument. Et ça sera le mot de la fin. Bien. Merci infiniment. Merci infiniment, Bernard Vincent. Eh bien, merci à vous. C'était une très bonne manière d'exprimer mon sentiment sur Onoda. Merci beaucoup. Au revoir. Bon. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire du Japonais qui croyait que la guerre n'était pas finie. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Romain Leborgne.